إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. On continue donc la lecture de cette épître, les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous en sommes toujours à la quatrième condition de la prière, qui est la levée de l'état d'impureté, c'est-à-dire les ablutions. Et on a vu dans l'assise de la semaine dernière les 10 conditions des ablutions. Dans l'assise de ce soir, incha'Allah ta'ala, nous allons voir les 6 piliers des ablutions ainsi que son obligation. Il dit, rahimahullah, wa amma furuduhu sitta. Et ce qu'il vise ici par le mot furud, c'est les piliers. Quant à ces piliers, ils sont au nombre de 6. Et les piliers des ablutions, ce sont les choses qui sont indispensables, celles que si tu les délaisses ou l'une d'entre elles, alors les ablutions ne sont pas valides. Le premier, il dit, rahimahullah, ghaslu al-wajh wa minhu al-madmada wa al-istinshaq. Le lavage du visage, et entre dans cela le fait de rincer la bouche et le nez. Donc le premier pilier des ablutions, c'est le fait de laver le visage. Et entre dans cela le fait de te rincer la bouche ainsi que le nez en y faisant entrer l'eau. Comme cela est confirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de par sa parole ainsi que ses actes. Donc celui qui ne se rince pas la bouche ni le nez lors des ablutions, alors ses ablutions ne sont pas valides. Et vous pouvez remarquer que le shaykh rahimahullah ta'ala, ici il a commencé par mentionner le lavage du visage en premier lieu. Et il n'a pas mentionné le lavage des mains. Et ce, car le premier lavage des mains que tu fais lors des ablutions, il est seulement recommandé et il ne fait pas partie des piliers ni des obligations des ablutions. Ensuite, il va nous dire ce qui délimite le visage. Et il dit, rahimahullah, وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الرَّاسِ إِلَى الذِّقْنِ وَعَرْضًا إِلَى فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ. Donc ce qui délimite le visage, de haut en bas, il commence à l'endroit où commencent à pousser les cheveux, c'est-à-dire le haut du front, et jusqu'au menton, et de droite à gauche, du bout des deux oreilles. Ceci est la partie qu'il est obligatoire de laver lors des ablutions. Quant au fait de laver sa barbe en y passant ses doigts pour les hommes, ceci n'est pas une obligation, mais c'est une sunna, comme cela est confirmé dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. Le deuxième pilier, c'est le fait de laver les deux mains jusqu'au coude, c'est-à-dire les deux mains avec les coudes. Et le lavage des mains ici, il commence à l'extrémité des doigts jusqu'en haut du coude, entièrement. Et non pas comme le font certaines personnes qui pensent que ce lavage-là ne comprend que du poignet jusqu'au coude. Et ils ne relavent pas les mains à ce moment-là. Car ils pensent que le premier lavage des mains par lequel tu commences tes ablutions, c'est un lavage obligatoire et qu'il n'y a pas besoin de réitérer le lavage des mains à ce moment-là. Or, c'est un pilier, comme on a dit, de laver les mains à ce moment-là, et le premier lavage n'est que surérogatoire. Mais c'est ce lavage-là qui est obligatoire et qui est un pilier de tes ablutions. Donc celui qui fait ses ablutions et qui, après avoir lavé son visage, ne lave ses avant-bras que du poignet jusqu'au coude, alors ses ablutions, elles ne sont pas valides. Et c'est la sunna à ce moment-là que tu laves les parties qui sont entre tes doigts en y passant les doigts de l'autre main. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّاسِ, et essuyer l'ensemble de la tête. Ceci est le troisième pilier des ablutions. Le fait que tu essuies l'ensemble de ta tête avec tes mains. Et tu le fais une seule fois lors des ablutions. C'est-à-dire qu'après avoir mouillé tes mains, tu les poses au début de ta tête, sur l'avant de ta tête, Puis tu les fais descendre en essuyant ta tête avec tes deux mains jusqu'à la nuque. Puis tu reviens jusqu'à l'endroit par lequel tu as commencé. Ceci est la meilleure manière d'essuyer la tête lors des ablutions, et c'est celle qui est confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Cependant, si une personne essuie sa tête d'une autre manière, elle essuie avec une de ses mains l'ensemble de sa tête, elle ne le fait pas de la manière indiquée dans le hadith, alors ses ablutions, elles sont valides. Cependant, il est préférable pour lui de le faire comme nous l'a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَمِنْهُ الْأُذُنَيْنِ » et en font partie les deux oreilles. C'est-à-dire que les deux oreilles, elles rentrent dans l'essuyage de la tête lors des ablutions. Et elles ne font pas partie du lavage du visage. Tes oreilles, tu dois les essuyer après avoir essuyé ta tête. En effet, il est venu dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-udhunani min ar-ras. Les deux oreilles font partie de la tête. De plus, cela est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par sa manière par laquelle il accomplissait ses ablutions et il essuyait ses oreilles après avoir essuyé sa tête. Et la manière dont cela doit être accompli, tout d'abord, il faut savoir que tu n'as pas à prendre une nouvelle eau pour essuyer tes oreilles. C'est-à-dire que lorsque tu mouilles tes mains pour essuyer ta tête, tu essuies celle-ci et après cela, tu essuies tes deux oreilles sans remouiller tes mains. Et tu essuies l'intérieur de tes oreilles avec tes deux index. Tu rentres tes deux index dans l'intérieur de tes oreilles et tu les essuies. Et avec tes pouces, tu essuies le derrière de tes oreilles. Et ceci est ce qui est demandé, d'essuyer les oreilles et non pas de les laver. En effet, on voit certaines personnes lors des ablutions, ils lavent leurs oreilles. Ils pensent qu'il faut que l'eau, elle touche l'ensemble des oreilles. Or, ceci n'est pas légiféré. Ce qui est légiféré, c'est simplement d'essuyer les oreilles de la manière que l'on a mentionnée. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ et le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles. Et ceci est le quatrième pilier des ablutions. Et lorsqu'on dit jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire les chevilles incluses, elles font partie de ce qui doit être lavé lors du lavage du pied. Tu laves donc tes deux pieds jusqu'aux chevilles incluses, et ceci est le quatrième pilier des ablutions. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالتَّرْتِيب وَالْمُوَالَا et le fait de les faire dans l'ordre et de les faire sans interruption. Et ceci sont les cinquième et le sixième pilier des ablutions. Le fait que tu fasses tes ablutions dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre que l'on vient de mentionner, en commençant par le visage, avec le rinçage de la bouche et du nez inclus, puis les mains, des extrémités de doigts jusqu'au coude, puis l'essuyage de la tête, avec l'essuyage des oreilles y compris, puis le lavage des deux pieds, jusqu'aux chevilles incluses. Comme cela est venu dans le verset que l'on va lire après, que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné. Donc ceci est l'ordre qu'il est obligatoire de respecter lors des ablutions. Et tu ne peux pas faire tes ablutions dans un autre ordre. Comme par exemple, en commençant par laver tes mains jusqu'au coude, puis tu laves le visage, ceci n'est pas permis. Et celui qui procède ainsi, ses ablutions, elles ne sont pas valides. Par contre, si une personne, par exemple, lors du lavage des mains ou lors du lavage des pieds, elle commence par laver la gauche avant la droite, est-ce que ces ablutions sont valides? La réponse est que ces ablutions, elles sont valides à l'unanimité des gens de science. Cependant, en faisant cela, il aura délaissé ce qu'il y a de meilleur et de préférable, qui est de commencer par la droite, comme cela est confirmé dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, wal-muwala, c'est-à-dire le fait de les faire sans interruption. Et on reviendra sur cela lorsque le Cheikh, rahimahullah ta'ala, en mentionnera la preuve. Il dit ensuite, rahimahullah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى et la preuve, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une des choses par lesquelles se distinguent les ouvrages de cet imam, rahimahullah ta'ala. Il mentionne les questions, puis après, il en mentionne les preuves tiré du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc: والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés: ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière. C'est-à-dire lorsque vous vous levez avec l'intention de prier, au moment où vous souhaitez prier, et que vous n'avez pas les ablutions, que vous n'êtes pas purifié. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Alors lavez vos visages, et entre dans le lavage du visage, comme on l'a dit, le rinçage de la bouche et du nez, comme cela est confirmé dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Et vos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire, et lavez vos mains jusqu'au coude, de l'extrémité des doigts jusqu'en haut du coude. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ. Et passez les mains mouillées sur vos têtes. Essuyez vos têtes. Tu passes les mains mouillées sur ta tête et entre dans cela l'essuyage des oreilles, comme on l'a vu dans le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, les chevilles incluses. Donc on voit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a indiqué les piliers des ablutions. Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَدَلِيلُ التَّرْتِيبِ حَدِيثِ اِبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. Et la preuve concernant le fait de faire les ablutions dans l'ordre. Et le hadith, commencer par ce par quoi Allah a commencé. C'est-à-dire par ce par quoi Allah a commencé dans le verset. Et ceci est une déduction faite par les gens de science, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé cette parole lorsqu'il enseignait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum les rites du pèlerinage et de la umra. Il leur a dit au moment de faire le sa'i, c'est-à-dire lorsque tu fais les allées et venues entre Safa et Marwa pendant le pèlerinage, il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, commencez par ce par quoi Allah a commencé. C'est-à-dire dans le verset 158 de Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc commencé par quoi dans ce verset? Par Safa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de commencer par As-Safa, de commencer par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Et donc le cheikh rahimahullah ta'ala, c'est comme s'il te disait, et il en est de même pour les ablutions. Nous commençons par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Comme cela est indiqué dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les ablutions dans l'ordre. De plus, cela est confirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait constamment ses ablutions dans cet ordre-là. Et il n'est pas rapporté qu'il ait fait ses ablutions dans un autre ordre, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc ceci confirme que cela est une obligation et que c'est un pilier des ablutions. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَدَلِيلُ الْمُوَالَى حَدِيثُ صَاحِبَ الْلُمْعَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى رَجُلًا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. Il dit la preuve qu'il faut faire les ablutions sans interruption. C'est le hadith de la personne qui avait une partie de son pied qui n'avait pas été lavée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme avec sur son pied une partie qui brillait, de la taille d'un dirham. Et dans d'autres versions, il est mentionné de la taille d'un ongle. C'est-à-dire qu'il a remarqué que sur ce morceau de peau, l'eau n'était pas passée. Elle ne l'avait pas atteint. Il lui a alors ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de recommencer les ablutions. Il lui a dit, comme cela est venu dans le hadith, « Irji' fa ahsin wudu'ak. » Repars et parfais tes ablutions. Et il ne lui a pas dit de simplement laver l'endroit de son pied qui n'avait pas été touché par l'eau. Donc si ce n'était pas obligatoire de faire les ablutions sans interruption, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui aurait pas ordonné de refaire ses ablutions entièrement, mais il lui aurait juste dit d'aller laver cette partie de son pied qui n'avait pas été touchée par l'eau. Mais le fait qu'il lui ait ordonné de refaire complètement les ablutions, cela nous indique qu'il est obligatoire de faire les ablutions sans interruption. Est-ce que faire les ablutions sans interruption, cela veut dire que tu dois à toute vitesse laver tes membres les uns après les autres? Non, ce n'est pas le sens qui est voulu. Mais c'est que tu ne dois pas t'arrêter et délaisser les ablutions à un moment comme c'est le cas de cet homme qui est parti prier. Les savants, ils ont délimité l'interruption qui invalide les ablutions comme étant le fait de t'arrêter au point que le membre précédent sèche. Mais si tu t'arrêtes quelques secondes pour ramasser quelque chose, pour relever tes manches ou autre chose comme celle-ci, alors cela n'invalide pas les ablutions et tu n'es pas considéré comme les ayant interrompues. Ceux-ci sont donc les six piliers des ablutions. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il va mentionner une obligation des ablutions. Et il dit, rahimahullah, wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a al-dhikri. Et son obligation, c'est-à-dire l'obligation des ablutions, c'est at-tasmiya. Le tasmiya, c'est le fait de dire bismillah lorsque tu t'en rappelles. C'est-à-dire que si la personne ignore qu'il faut dire bismillah lors des ablutions et qu'elle ne le dit pas, alors ses ablutions sont valides. De la même manière, la personne qui oublie la tasmiya, qui oublie de dire bismillah avant ses ablutions, alors ses ablutions, elles sont valides également. Et la majorité des savants, ils considèrent la tasmiya, le fait de dire bismillah avant les ablutions, comme une sunna et non pas comme une obligation, c'est-à-dire comme une chose qui est recommandée. Cependant, ils disent qu'il ne convient pas de la délaisser, étant donné que nombre de savants également le considéraient comme obligatoire, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas des ablutions, et il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Les savants du hadith ont grandement divergé au sujet de l'authenticité de ce hadith. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala l'a considéré comme authentique, ainsi que d'autres grands savants parmi les savants du hadith avant lui. De ce fait, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a choisi cet avis qui est que la tasmiya, le fait de dire bismillah, est obligatoire avant les ablutions. Lorsque tu t'en rappelles, c'est-à-dire que si tu l'oublies, alors tes ablutions sont valides, cependant, lorsque tu t'en rappelles, il ne convient pas de délaisser cela. Ensuite, il faut savoir, après cela, il y a également certaines choses qui sont comptées parmi les sunan des ablutions, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées et qui ne sont pas obligatoires. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il ne les a pas mentionnées. On va donc les mentionner ici brièvement avant de terminer cette assise, insha'Allah ta'ala. Donc parmi les sunan, parmi les choses recommandées lors des ablutions, il y a l'utilisation du siwak, comme cela est confirmé dans le hadith d'Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était par crainte d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak lors de chaque prière. Et dans une autre version du hadith, je leur aurais ordonné le siwak lors de chaque ablution. Donc ceci nous montre qu'il est recommandé pour le musulman d'utiliser le siwak lors des ablutions. Et les savants ont mentionné que le siwak, tu l'utilises au moment de la madmadha, au moment du rinçage de la bouche. Également parmi les sunan, lors des ablutions, parmi les choses recommandées, il y a le fait de commencer par laver trois fois tes mains. Comme on l'a mentionné, le premier lavage des mains que l'on fait lors des ablutions, il n'est pas obligatoire et il ne fait pas partie non plus des piliers des ablutions. Cependant, c'est une sunna confirmée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les sunan, il y a le fait de commencer par rincer la bouche, puis le nez avant de laver le visage. Et également le fait d'insister sur cela, c'est-à-dire de bien faire rentrer l'eau en rinçant l'ensemble de ta bouche et en rinçant l'intérieur de ton nez en y faisant pénétrer l'eau. Sauf si tu es jeûneur. Alors si tu es jeûneur, tu n'insistes pas sur cela. Et ce par crainte que l'eau rentre et que tu l'avales. Également parmi les sunan, comme on l'a mentionné, le fait de laver sa barbe avec ses mains en y passant ses doigts. Comme cela est confirmé dans les hadiths, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lavait sa barbe ainsi lors des ablutions. Et également, tu laves les parties qui sont entre les doigts en y passant tes doigts lors des ablutions. Lors du lavage des mains et également lors du lavage des pieds. Et il est confirmé dans le hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela avec son auriculaire, c'est-à-dire avec son petit doigt. Donc tu laves les parties qui sont entre les doigts lors des ablutions, lors du lavage des pieds, avec ton auriculaire. Également, il fait partie des sunan, des choses recommandées lors des ablutions, le fait de commencer par la droite. Et ce, d'après le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lors de la purification et en toute chose. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Également, il y a parmi les choses recommandées lors des ablutions le fait de laver tes membres deux fois ou trois fois. Car le pilier et l'obligation, c'est de laver chaque membre une seule fois. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, il lavait ses membres à trois reprises. Trois fois le visage, trois fois les mains, trois fois le pied. Sauf l'essuyage de la tête, qui n'a lieu qu'une seule fois, comme cela est confirmé dans les hadiths. Donc ces trois lavages, ils sont surérogatoires et ne sont pas obligatoires. Cependant, il ne convient pas à la personne de les délaisser. Comme on voit beaucoup de personnes qui délaissent ces lavages et se contentent lors des ablutions de laver leurs membres qu'une seule fois, en se contentant du minimum. Or, le musulman, il doit rechercher la perfection dans ses œuvres. Il doit rechercher ce qu'il y a de meilleur. Il ne doit donc pas délaisser ces trois lavages. Mais il pratique la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est de temps à autre de faire les ablutions en ne lavant ses membres qu'une fois ou deux fois. Mais la majorité du temps, il faisait ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam, en les lavant trois fois. Parmi les sunan des ablutions, il y a également la formule de dhikr à prononcer après les ablutions. Comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nul parmi vous ne fait les ablutions et parfait ses ablutions, c'est-à-dire il les accomplit de la meilleure manière. Puis il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, nul parmi vous ne fait ses ablutions et parfait ses ablutions, puis il dit cela sans que les huit portes du paradis ne lui soient ouvertes et qu'il rentre par celles qu'il veut. Allahu Akbar. Ceci est une récompense immense pour celui qui parfait ses ablutions et les fait suivre de cette formule de dhikr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. On voit donc l'importance de prononcer ce dhikr après les ablutions, mais également l'importance de parfaire ses ablutions et de les accomplir de la meilleure manière, comme cela est dit dans le hadith. Enfin, parmi les choses recommandées lors des ablutions, il y a le fait d'économiser l'eau. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, lorsqu'ils font leurs ablutions, laissent couler le robinet. Et ils font cela, premièrement, par inconscience du grand bienfait d'avoir l'eau accessible de manière aussi simple. En effet, ceci est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans nombre de pays, les gens n'ont pas l'eau courante. Certains font parfois des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc ils sont conscients de la valeur de l'eau. Or nous ne sommes pas conscients de la valeur de l'eau. Alors tu vois nombre de musulmans, lorsqu'ils font les ablutions, ils ouvrent le robinet et ils laissent couler l'eau. Et ils gaspillent ainsi beaucoup d'eau. Et ceci est contraire à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu une personne en train d'accomplir ses ablutions. Et il a vu qu'il gaspillait de l'eau, qu'il utilisait beaucoup d'eau. Il lui a dit alors, qu'est-ce que ce gaspillage? Cette personne, elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a dans les ablutions du gaspillage? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, oui, même si tu es au bord d'un fleuve ruisselant. C'est-à-dire, même si l'eau est présente en abondance, il ne convient pas de gaspiller l'eau lors des ablutions. Et également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet des ablutions, après les avoir expliquées, après les avoir montrées, il a dit, ceci sont les ablutions. Et quiconque ajoute à cela, alors il a certes été malfaisant, il a certes transgressé et a été injuste. Cela indique qu'il n'est pas permis d'ajouter à ses ablutions, en lavant par exemple chacun des membres quatre fois. Mais également, il n'est pas permis d'ajouter dans la manière de faire ses ablutions, comme en gaspillant l'eau. Ceci n'est pas convenable. Il convient donc, pour le musulman lors des ablutions, d'utiliser l'eau en petite quantité et de ne pas la gaspiller. Ceci sont donc quelque chose qui sont recommandés lors des ablutions et on verra la semaine prochaine, inshallah ta'ala, les annulatifs des ablutions que l'auteur a mentionnés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.